Aveiro, 17 para Ponta Delgada e com 16 graus de máxima na previsão para amanhã, as Penhas Douradas. RTP Antena 1. Arc-en-ciel 96.2. FM en couleur. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groove Tropical. Ravi de vous retrouver en ce jeudi soir, 18h, 20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe, du zouk, du compas, plein de bonnes choses, vous verrez, du compas rétro, du zouk rétro également. On va passer une très très bonne soirée en ma compagnie. En tout cas, sur le 96.2, restez bien calés, hein, parce que va y avoir très bonnes choses, je vous préviens. Beaucoup de compas, bien sûr, mais tout de suite, eh bien, on va y aller avec Lucas Seb. Lucas Seb, décidément, je bafouille ce soir. Je vais aller boire un coup. Très très bonne soirée en ma compagnie. Chantal avec vous jusqu'à 20h. Ça va le faire, ça va le faire. Et voilà qu'avec toi, j'aurai des instants inédits. J'y trouve ma perle rare, cet amour qu'on juge à l'immortel. Toutes ces années. Immortel, interprété par Stevie sur le 96.2 de votre émission Groove Tropical. Ça y est, j'ai repris mes esprits. Avant de reprendre la suite de cette émission, je voulais faire un petit coucou spécial à Florent, notre technicien qui enregistre tous les podcasts de toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Je te fais plein de bisous, Florent. Merci beaucoup pour tout ton travail du côté, je ne sais même pas où, d'ailleurs, sur le 96.2. En tout cas, on tient à toi, t'es notre pilier. Sur le 96.2, je te souhaite un très, très bon anniversaire. Allons, Lucas Seb, c'est rien que pour toi. Ils ont dit qu'on allait tomber, mais on s'est relevé. Ils ont pris à tout nous briser, mais ils sont dépassés. Ils pensaient qu'on allait prier, qu'on allait s'agenouiller. Le corps rempli de grâce, on a lâché les chaînes. Et aujourd'hui, c'est le jour de gloire. On a levé les poings. On nous a mis plein de freins dans les jambes, dans la tête, dans les mains. Et ils ont bloqué chaque chemin. On a cassé les murs, on a pris la route. Ils nous ont couru après. On a esquivé les coups en bas dedans. On a gardé la cadence. On n'a jamais fait le tour, on a levé les poings, on a levé les bras. Passé des années, nous pas jamais bouqué. Pas mieux raison qui fait, relation pas marché. Doudou chérie, t'es fait tout ça en vie. Pour qui ou quitte moi, m'a demandé au retourner. Ou parti quitter moi, ou bel moment, nous t'es passé. On y en oublie, séparé, c'est ça lié. Sous-titrage kè ou wale Mwen senti m chavire Mwen kamande bonte Ki sa m fè m apeye Sa te ban mal tèt Alos m ekri ou yon let Pou m toujou mwen remè Mwen ta remè avè Ou pati kite mwen Ou bel mouman nou te pase Ou nyan nou bije separe Se salye Ou pati kite mwen Se avek ou ke mwen vlege San ou la vi mwen pa komple Tounè souple plaisir de retrouver Victor Martinel sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec ce titre. Respire. Je respire. T'as quitté où je respire. 18h-20h, votre émission Groove Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. La suite, eh bien, c'est Jacoute. Jacoute Musique avec ce titre Matram. 18h-20h, le meilleur de la musique des Caraïbes, c'est juste sur Arc-en-Ciel, sur Orléans. 18h-20h, Groove Tropical. Pour moi, connais ou pas pour moi, mais baby, pour m'abgommer, pour ces arrive parfois. Même qu'on est avec ou bébé, moi t'inquiète pas. L'éternel qu'elle est pas bas où la vie au méridien. Où t'es mangé, m'encore et encore. Où t'es qu'elle le nager. Tellement où t'es pas plaisir à faire mon palme le nager. Si un jour on compte qu'il m'a chance, même si la vie change. Madame, ou kriye mwen voyou, mais ça pas grave. Tout ça passe en ilok, c'est pis tatouage. Attention, PGG, ka fè ravage. Madame, la vie t'a la trop coûte nous de passage. On nous coûte cartel ou bien cassave. Musique toujours plus belle, ni partage. Allez là, ça m'a bon, allez. Dis-moi, je suis accompagné. Allez là, ça m'a bon, allez. D'après madame, mi pas aimé les gangsters. Allez, m'en dé, pourquoi y'a qu'avait moins qu'on ça? Y'a pas timide, j'en ai qu'avait qu'à faire ça. Y'a m'en dé, y'a qu'à augmenter dose là. Mon chacha, y'a madame à bon en Vespa. Y'a dit-moi les femmes comme moi, les embarques en Tesla. Money locks même en parasta. Quand on y va, comment je viens qu'on jaguar. Donc, ma bon balai. Dis-moi, je suis accompagné. Allez, là, ça, ma bon balai. Souvenez-nous, on peut danser, qu'on est équipé. Allez, là, ça, ma bon balai. Dis-moi, je suis accompagné. On est là, tu m'as l'ouvre. Allez, là, ça, ma bon. Continue danser. Attention, PGG, qu'a fait ravage. Madame, la vie t'a la trop coûte nous de passage. On nous coûte cartel ou bien cassave. Musique toujours plus belle, ni partage. je suis dans tes bras. Je connais tes rancœurs, tes douleurs. Je sais surtout ce qui brûle en moi quand je suis dans tes bras. Émission Groove Tropical, c'était Fabrice Servier, l'un de nos Zouk Lovers, quand même, extrait de son tout dernier album. Il est sorti l'année dernière, je crois au mois d'octobre, l'album Mouvance. C'est le titre par cœur sur le 96.2, La Douceur. On aime bien ça, on aime plein de choses comme ça, avec plein de messages. 18h-20h, Chantal qui vous accompagne, c'est votre émission Groove Tropical. Avant de retrouver une grande plage Gompa Live, et ben moi je vous trouve tout de suite une autre nouveauté à Chouladi avec Colette Cass. 18h-20h, votre émission Groove Tropical sur Arc-en-Ciel. Et voulez faire de moi sa Chouladi, contempler le terrain tout ça toute la nuit, faire tourner mon corps comme une aiguille, il agit comme s'il voulait qu'il y ait tsunami. Il voulait faire de moi sa Chouladi, agir en mari et pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Aujourd'hui je me retrouve à craquer pour lui. Tous nos eyes contact, j'ai négligé par envie de me voiler la face. Par expérience, je n'ai pas voulu boire la tâche, j'ai préféré m'éloigner avant qu'ils prennent en otage. C'est trop chelou, le bouc est parfait. Je trouve qu'un nom même à l'imparfait. Son soin n'est jamais dans l'excès, mais j'avoue que son minimum m'excite. Il voulait faire de moi sa Chouladi, faire des bébés tout ça toute la nuit, faire tourner mon corps comme une nuit. Il agit comme s'il voulait qu'il y ait tsunami. Il voulait faire de moi sa Chouladi, agir en mari et pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Aujourd'hui je me retrouve à craquer pour lui. J'ai besoin de tes blabla et tout est téménique. J'ai le début de l'histoire, apparemment t'as la suite donc. Allo, allo, allo, mets le bouc au caisse sur le thème. Parano, je vais vérifier s'il tient les secrets. Blabla et tout est téménique. J'ai le début de l'histoire, apparemment t'as la suite donc. Tous nos eyes contact, j'ai négligé par envie de me voiler la face. Par expérience, je n'ai pas voulu boire la tâche, j'ai préféré m'éloigner avant qu'ils prennent en otage. C'est trop chelou, le bouc est parfait. Je trouve qu'un nom même à l'imparfait. Quand on soigne, n'est jamais dans l'excès. Mais j'avoue que son minimum m'excite. Il voulait faire de moi sa Chouladi, faire des bébés tout ça toute la vie, faire tourner mon corps comme une aiguille. Il agit comme s'il voulait qu'il y ait tsunami. Il voulait faire de moi sa Chouladi, agir en mari et pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Aujourd'hui je me retrouve à craquer pour lui. Chouladi, Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. We'll be right back. it's a new one. New one. Les détails sont de taille. Samedi soir, moi plan live. Moi décidé, fuck moi party. Moi t'es dans le club, la belle setup. Nan des bébés, step up, s'entendez à pull up. Cassez t'y voir dans Zaheli. Moi fait t'y croire dans Bébéli. Les îles me paraît très let's go. La machine, moi follow, le m'rivé, le team hold on. I'm a go get comfortable. Cause I'm ready to get my freak on. Les rues tournent, les dîmes pas piti, où je peux qu'on finit pas goyer. Où déjà là, où déjà là, où tout là, chérie où tout là, où déjà là, c'est qui t'en prend des habits, où tout là, gardez n'a qui ça m'en tombe, où déjà là, où est allé le téléphone, où tout là, où m'en les chino, où déjà là, senti des pieds. Maman dit me ça chasse sous la quand c'est ça on va gagner là. À quoi la tête moi à top ma garde le cap à top moi résilié pull up. C'est qu'à une dernière occasion. C'est pas que me gagne l'autre option. Mais ces garçons pas qu'à faire là. Sinon va le payer le cash. L'irré dit moi hold on. I'm a go get comfortable. Cause I'm ready to get my freak on. L'été match la va doit annuler. Pour moi des temps qui m'arrêtent. Déjà là. En moi bien marré. Tout là. Ça c'est bon marché séché. Déjà là. Yon combat est ton combat. Tout là. Digaz ou pas qu'on reste là. Déjà là. Renal Marasa ou déjà là. Tout là. René Kokab déjà là. Déjà là. Pélège masse ou pas pourri. Yeah. Dans votre émission Groove Tropical, c'était Rochelle. Cet extrait de son tout dernier album, elle est en duo avec Fanny J pour ce titre Sérène. Je vais vous dire un secret. Je connais la chanson par cœur, on l'écoute en boucle. Dans ma voiture, je pleure. Je l'écoute et je la chante aussi, figure. Allez, 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui va vous accompagner. On continue tout de suite avec... Allez, tiens, une petite nouveauté également avec monsieur... avec Kai, le groupe Kai, et Tic Claude qui nous chante sur le 96.2. Groove Tropical, 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Jamais c'est pour sacrifice, pour faire pour t'en investir dans ou chaque jour. Tout ça m'a demandé toujours bas, même l'aime pas le temps, rien, depuis c'est pour. Puis t'as souffrir pour me faire plaisir, même l'aime bien d'où l'aime, les voir cap sourire. Malgré tout ça, n'est pas suffisant pour monter mon amour pour la pape, je me finis, non. L'amour pour la bague, j'aime fini. Réalité que ça finit. Parce que, on y est pas, je m'assais. On y est pas, je m'assais. On y est pas, je m'assais. On y est pas, je m'assais. On y est pas, je m'assais. On y est pas, je m'assais. Son belle forme d'apprendre pour ta ouais tout ça t'a fait pour bébé. Et malgré ça, non, faut que mon égoïne va bien passer pour mon lit va passer. Mon lit de bonne âme, et tu identité mon. Et malgré ça, non, faut que mon égoïne va bien passer pour. On y est pas, je m'assais. On y est pas, je m'assais. On y est pas, je m'assais. Keep back inside. déposer chaque sa toi pour moi. Déposer l'amour ça. M'insister, Marielle, pas pour moi. Déposer l'amour ça. Déposer chaque sa toi pour moi. Déposer l'amour ça. Même qui t'aime, sous pas besoin de la game. Fais ça pour moi. Donc, tu soupes. Déposer ma terre, ouais. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. J'ai beau me dire que la haine se déchaîne, que l'amour est mort, mais ce n'est pas vrai. Comment t'aimer quand mes peines sont des chaînes qui m'emprisonnent dans le passé. Tu reviens quand je m'attends pas, dans mon cœur attentat, et la colère effacée. Mais si la colère s'en va, la douleur reste là, il ne fait que se tasser. Je peux pas passer mon temps à te rassurer. C'est pardonner, c'est le passé. Oublie tes peurs, je suis là, je vais plus m'en aller. Je sais que rater nos plans à deux. Je veux qu'on soit bien d'endroit. Ouais, je veux la plaque au doigt. De toi, je peux plus me passer. Fondé un foyer, promis de mener toi. Que rien ne pourra t'effacer. C'est ok, donne-moi ta main. Baby, prends-moi la main. Je peux pas laisser ton cœur en chemin. Cette fois, c'est pas de frein. Et si c'est ok, donne-moi ta main. Arc-en-ciel, l'ambiance du jeudi soir dans Groove Tropical. Oh, c'est pas tout jeune, mais alors ça fait un bien fou. Hein. C'est Zouk Look avec ma chaussure. Allez, restez bien calés sur le 96.2. Là, tiens, petite nouveauté. Les deux jeunes hommes s'appellent Laconi et Sémis. Et le titre, c'est Chaud. Et puis tout de suite après, une exclusivité, ça m'est arrivé, je vais pas dire par la poste, mais bien presque ça. En tout cas, ce sera, ben, je vous laisserai le découvrir tout de suite après. Le titre, c'est Distance, et c'est Réginald. En attendant, nous voilà avec Laconi et Sinis pour ce titre Chaud. Compas Gouillade. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Maintenant, tu deviens chaud. Va pas trop vite, jamais arrête pas molly. Va pas trop vite, jamais arrête pas molly. Bébé, tu sais que je suis de taille et tu n'as pas perdu de taille. Je te sens chavirer seul, ça va trop vite, faut qu'on s'aime. Bébé, tu sais que je suis de taille, tu n'as pas perdu. Total Sunset, extrait de l'album Flamengo, avec ce titre Distance sur le 96.2. C'était une petite exclusivité quand même, hein, pour vous, rien que pour les auditeurs d'Arc-en-Ciel. D'ailleurs, je vous remercie. Je vous fais un petit coucou s'ils nous écoutent sur le 96.2. La musique continue avec une autre nouveauté. Le jeune homme, vous le connaissez bien, c'est Ludo. Et le titre, c'est Dans la foule. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Je ne sais pas si on y est. Parfois comprendre, je n'aime pas.

qu'on enlève ça. je n'ai pas peur de marcher dans le noir. J'avancerai même à l'aveuglette. Ensemble, on est en train d'écrire notre histoire. Le puzzle est complet, la pièce qui manquait est posée. Là, mon cœur bat. Laisse-moi être un bonheur. Parfum heureux, je l'avais déjà dès que j'ai su ce que tu ressentais pour moi. Tu sais que c'est moi ta Lisa. Je tiens plus debout si je te vois pas au bout. Je te la défous à ma vie du tout au tout. C'est pas un chien, les règles, moi je vais pas fou. Plus les physiciens à opérationnel. sur Arc-en-Ciel dans votre émission Groove Tropical. Petit clin d'œil à Marcelin. Marceline, mon ami Marcelin, du côté de la Normandie, qui a fait un cadeau à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel avec ce superbe titre Carnaval. Bravo l'artiste. Et grand merci à toi. Allez, 18h, 20h, votre émission Groove Tropical continue avec un petit peu de compact, hein, une dizaine de minutes. Compact. Alors nous, on l'a découvert avant tout le monde, c'est Nike. Hein. Maintenant, on l'entend sur toutes les ondes, sur toute la nationale. Jusqu'à 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la gaily. If you say you love me, tell me why, baby, why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Give you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my. Ou pa vle tande, ou pa wè janti gason sa pa merite ou. Ou get wap shine, chéri, ou pou fly. Dili bye bye, baby, nou son lot bagay. La gel, Pa vetize. La gel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Okay. Mordo, tu veux casser, tu pensais qu'à ça. Chérie, t'es perdu, mauvais chemin, c'est pas ça. L'affaire est glacée, dossier un casse. Tes phrases déplacées, garde-les pour tes tanas. J'avoue, t'es mimi, mais crois pas que je suis en manque. Même si mon corps te donne l'impression, bébé, doucement, tout tourne autour de toi. C'est pas comme ça qu'on fait, garçon. Tu vois pas que nous deux c'est mort. Dépasse pas les limites, bébé, tranquillement, tu tournes trop autour de moi. Mais t'es cramé, mauvais garçon. Éloigne-toi de moi, c'est mort. Attends. Désolé, faut départ. J'ai pas le temps. Je suis pas celle que tu crois, je suis pas celle qui tourne autour. Je vais t'éviter, banalité. Je sais pas

explosion pour terminer cette émission avec le groupe Vibe, et c'était Nap Descent, la version live. Ah, ça donne envie, hein. Bon, en attendant, il est presque 20h sur la FM Tout en Couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve, bien entendu, jeudi prochain, 18h, 20h, même fréquence, même endroit, même soleil. Je vous souhaite à tous un très, très bon week-end de Pâques. Profitez de ce long week-end avec de votre famille. Faites plein de choses, ça fait du bien. Prenez l'oxygène. Sur le 96.2, je vous embrasse tous. Et puis, je vous dis merci beaucoup de foudrer votre fidélité au 96.2 et à la semaine prochaine. Au revoir. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Para Santarém, 26 para Braga, Castelo Branco, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja, 25 para Coimbra, Leiria e Faro, 24 para Vila Real e Viseu, 23 para o Porto e para Porto Alegre, 22 para o Funchal, 21 para Bragança e Viana do Castelo. Amanhã guarda com 19 graus de temperatura máxima, 18 esperados em Aveiro, 17 previstos para Ponta Delgada e 16 graus para as Penhas Douradas. Antena 1. Boa tarde, são 7 horas no continente e na Madeira, 6 nos Açores.